plus rien à dire. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Je n'étais qu'un mauvais présage, on s'est aidé pour un orage, moi qui aimais tellement ton sourire. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment, il y a toujours des problèmes. Fallait pas qu'on se connaisse, fallait pas qu'on soit deux, fallait pas se rencontrer et puis tomber amoureux. La vie à deux s'arrête en là où les dieux s'aventurent pas, moi qui aime tellement ton sourire. Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment, il y a toujours des problèmes. Moi qui aime tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs. J'espère plus jamais faire souffrir quelqu'un comme je t'ai fait souffrir. Moi qui aime tellement ton sourire, je n'entends plus que tes soupirs. Maa ngi dem, maa ngi dem. Waaye xam naa ni dinaa ñëwaat. Amul benn problème.